Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Pierre Falardeau, cinéaste engagé et homme de combat. Le sort du cinéma québécois, c'est le sort du peuple québécois lui-même. C'est-à-dire que c'est marginalisé, c'est folklorisé, c'est mis... fait penser un peu à chez Sam de Recordman. Tu demandes la musique du Québec, il dit « c'est au fond, en dessous de l'escalier ». T'arrives là, c'est marqué « folklore ». Pour Pierre Falardeau, le cinéma québécois et le destin politique du peuple québécois sont indissociables l'un de l'autre. Toute sa vie, d'ailleurs, il va mettre son cinéma au service de la cause indépendantiste québécoise, que ce soit par la comédie avec sa série des Elvis Gratton ou par des films plus sérieux et plus graves comme ceux de sa trilogie du combat dans laquelle on retrouve Le Parté, Octobre, au 15 février 1839. Le cinéma de Pierre Falardeau cherchera toujours à parler aux Québécois de ce qu'ils sont, pour le meilleur et pour le pire, et de ce qu'ils pourraient être s'ils se prenait en main, aurait dit Falardeau. Est-ce que vous aimeriez un succès international? Est-ce que vous aimeriez ce qu'il disait Robert Lepage, que quand on est vraiment ancré dans sa réalité, c'est plus exportable, c'est plus universel? Est-ce que vous aimeriez que ça soit vrai pour vous? Ben oui, c'est sûr, on travaille, tu sais. Ouais. Pourquoi ça vous arrive pas? Aujourd'hui, on est le 15 février, c'est votre date, ça? Le 15 février? Oui, oui. Oui, 15 février. Mais pourquoi ça arrive pas, c'est ça, je sais pas. Moi, peut-être parce que je suis pas assez bon aussi, mais le rêve de tout artiste, c'est de rayonner le plus possible, tu vois. Moi, je cracherais pas sur aucune réussite internationale, mais en même temps... Ça arrive pas. Qu'est-ce que je fasse? Par contre, je suis sûr que des fois, Robert, lui qui a eu une reconnaissance internationale, des fois, il doit se dire, « Merde, j'aimerais ça avoir dans mon propre pays une importance plus locale. » Moi, des fois, tu vois, j'essaie de me remonter le moral. Je me sens moins bon que lui internationalement, mais... Je me dis, quand les gars du port de Montréal écoutent le temps des bouffons, puis ils me disent « Hey, Falardo Calis, lâche pas! » C'est une belle médaille aussi, tu sais, c'est... Ça vaut bien les prix du gouverneur général. Pierre Falardeau à l'émission Christiane Charette en direct à la télé de Radio-Canada le 15 février 2002 pour nous présenter Pierre Falardeau, le personnage, celui qu'on vient d'entendre, ce personnage haut en couleur, mais aussi, surtout peut-être, le créateur, l'homme engagé également qu'il a été. Je reçois le chroniqueur cinéma Georges Privet, qui a co-réalisé entre autres la série télé Cinéma québécois, dans laquelle il était question de Pierre Falardeau. Georges Privet, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous l'avez connu personnellement, Pierre Falardeau. On va revenir dans un instant sur ce que vous gardez de lui, vous d'abord et avant tout, mais rebondissons tout de suite sur ce qu'on vient d'entendre. Oui. C'était ça, Falardeau. C'était ce personnage-là, sympathique, en même temps un peu irrévérencieux, avec un franc-parler. Parlons de ce qu'il vient de nous dire dans cet extrait-là. Qu'est-ce qui était important pour lui? Je pense son peuple. Oui. L'avenir de Donc son c'est peuple. C'est vrai, ça. Ça fait oui, dire par le gars du port de Montréal. Non, non, tout à fait. Puis c'était quelqu'un de reconnu et d'aimé. Fallait se promener sur le plateau Mont-Royal avec lui pour voir à quel point, effectivement, il y avait les camionneurs qui disaient « Hey, Falardeau! » Il y avait les intellectuels, il y avait tout le monde, il repoussait personne, il attirait plein de gens, c'était comme une vedette. Ouais. Là, parce qu'il était devenu très populaire à travers Elvis Gratton, puis aussi parce que c'était quelqu'un d'extrêmement coloré en entrevue. Ouais. Les médias l'adoraient, et c'est sûr que ça, c'était un baume, la reconnaissance des gens autour de lui. Il aurait aimé être reconnu internationalement, mais il faut savoir aussi, puis ça, il le disait pas parce que je pense qu'il était quand même trop humble, mais il y a des films qu'on met de l'avant, les institutions mettent des films de l'avant à l'international. Oui. On a quand même un cinéma de vitrine, il y a des films où on se dit, tiens, ça, ce serait bien à Cannes, ce serait bien à Venise, ce serait bien ailleurs, à Berlin. Falardeau n'a jamais fait partie de ce cinéma de vitrine parce que, justement, il dérangeait l'establishment. C'était trop dérangeant, puis qui aurait eu envie d'envoyer Elvis Gratton à Cannes? Je veux dire, c'est inconcevable. Donc, ce qu'il nous montrait de nous-mêmes était très confrontant, était très douloureux, était parfois très drôle, mais ce n'était pas nécessairement des choses que les institutions tenaient à envoyer. Vous ne voulez pas montrer ça aux autres. Il y a ça. Ouais. C'est un petit côté, là, ouais. Vous l'avez connu personnellement. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous reste quand vous repensez à lui? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Qu'est-ce qu'il était pour vous d'abord et avant tout, Pierre Falardeau? Ben, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il était essentiellement ce que tout le monde a vu. La plupart des gens, il y a un décalage entre l'image publique et ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Chez Falardeau, il n'y en avait à peu près pas. Je dirais que le seul décalage réel dans l'intimité, quand on le connaissait, c'est qu'il était plus timide qu'il en avait l'air. Je pense que quand il était en public, il avait quand même le sentiment d'entrer dans le ring, de mettre ses gants de boxe, oui. d'avoir des idées à défendre, de se combattre, d'être confronté à des discours. En privé, il était beaucoup plus timide, plus nuancé, plus ouvert, extrêmement curieux, mais le même personnage, entre guillemets. Et les mêmes idées. Tout à fait. La justice sociale, l'indépendance du Québec. C'est des choses qui étaient d'une importance fondamentale pour lui. C'est pas un hasard si c'était un grand fan de boxe. Pour lui, la chose fondamentale dans la vie, c'était le combat. Je pense qu'il voyait dans la boxe la métaphore parfaite de la condition existentielle de l'être humain, qui est une de lutte, de survie, de combat perpétuel. Donc, c'était la chose fondamentale dans sa vie et dans son cinéma. Ouais. Ce personnage, par ailleurs, ce personnage fort en gueule qui lui a peut-être nui auprès des institutions, hein, on l'évoquait il y a un instant, dans quelle mesure, justement, ça lui a nui à lui, à sa carrière, au message qu'il portait? Je pense qu'ultimement, ça lui a pas nui, c'est-à-dire que... Il jurait vraiment avec l'image du cinéma québécois. Vous savez, les gens ici préfèrent ne pas parler, ne pas faire trop de bruit, de peur qu'on fasse pas leur film. Et Pierre avait le réflexe contraire de dire... On veut pas que je fasse ça, ça doit vouloir dire quelque chose, parlons-en. Donc, ça lui a causé des problèmes, mais je pense qu'ultimement, ça lui a quand même permis de faire des choses qui se seraient jamais faites s'il avait pris son trou et s'il était resté dans son coin. Ouais. Donc, il brassait beaucoup, et des fois, on avait l'impression qu'il ne cédait pas nécessairement, mais je pense qu'ultimement, quand on regarde sa filmo, c'est assez extraordinaire de voir tout ce qu'il a fait dans un système qui, essentiellement, n'en voulait pas. Ouais. Revenons un petit peu, parce que c'est important, ces années de formation, c'est important pour comprendre sa pensée, pour comprendre qui il était profondément. Revenons un petit peu à ce jeune Pierre Falardeau. Racontez-nous-le, le jeune Falardeau. Bien, il naît le 28 décembre 1946 dans un milieu ouvrier à Châteauguay. Et très jeune, il découvre un livre de Laurent-Olivier David consacré aux patriotes. Et c'est une lecture qui va le marquer profondément. Déjà. Et dont il va tirer plus tard, entre autres, 15 février 1839. Et ce qui est frappant chez Falardeau, c'est qu'il est... vous parliez de comment il était personnellement, c'est vraiment quelqu'un qui ressent les choses de manière viscérale, extrêmement intense. Et quand il vous racontait ça, le choc qu'il a eu en lisant ce livre, ou quand il vous racontait la première fois qu'il avait vu un panneau du RIN appelant les gens à combattre pour la liberté, on revoit son émotion originale. C'est inscrit en lui. Ah, complètement. Et c'était quelqu'un pour qui beaucoup de notions abstraites pour la plupart des gens, comme la liberté, les souffrances de nos ancêtres. C'est des choses qui sont devenues abstraites pour les gens, mais chez lui, il les ressentait dans sa chair. Et quand il en parlait, c'était pas rare de le voir profondément ému et bouleversé. Alors, ces obsessions-là, c'est ces choses qui le fascinent. Il les partage très vite avec un copain à l'école qui s'appelle Julien Poulain, qui va devenir acteur. Et ensemble, ils vont accoucher d'une filmo dans laquelle, qui est déjà d'une rare cohérence, dans laquelle on va voir les obsessions de l'œuvre en devenir. Et ils vont commencer à faire leurs amours vidéographes. C'est le début de la vidéo. Ouais. Falardeau va faire l'image, Poulain va faire le son, et ils vont travailler ensemble. Donc, ils glissent tout naturellement vers le cinéma. Beaucoup de courts-métrages. Cette première période de la filmographie de Falardeau-Poulain, c'est ça. C'est du cinéma engagé, c'est du cinéma qui parle aux gens, c'est du cinéma qui montre qui on est, et c'est du court-métrage beaucoup. Un des films dans cette première période qui va se démarquer, c'est Pea Soup, qu'il réalise justement avec Julien Poulain en 1978. Il en parle à l'émission Au fil des arts en 1979. C'est amusant parce que c'est, je vous le dis pour l'anecdote, mais c'est la plus vieille entrevue, celle-là, Au fil des arts, qu'on a de Pierre Falardeau dans nos archives en 1979. Les expos, là, t'allais voir ça? Déjà? Au Forum? T'es allé voir les expos l'autre fois, t'avais dit? Ouais. Qui t'avait amené là? Ma mère. On a eu des billets par les chiens. Les chiens? Les pas chiens. C'est déprimant, c'est sûr. Un peuple qui est soumis à l'acculturation pour le génocide, c'est pas comique. Sauf que, comme Julien disait, au fond de ça, il y a des résistances, puis il y a une force, puis le monde arrive à rire, puis à survivre quand même. Tu es rien, mon dieu. Les billets que les policiers nous ont donnés, tu es rien. Tu es, mais t'es où les joueurs? Loin, loin, loin, loin, loin. T'es au bout de la chose. Je t'ai bien le faire. Ouais. Parlez-nous de ce film, puis ça, et plus largement, Georges Privet, de cette première période là, de la filmographie de Pierre Falardeau. Il y a deux choses là-dedans. C'est une époque où, bon, d'affirmation nationale, pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, une époque d'affirmation nationale puis de questionnement identitaire. Le cinéma québécois y participe avec des gens comme Jules Groulx, par exemple, Pierre Perrault, les premiers films de Denis Arcand. Falardeau et Poulain font ça à leur manière au Vidéographe. Et c'est d'établir une espèce d'état des lieux, de regarder qu'est-ce qu'on est, c'est quoi nos contradictions. Ça, c'est la scène avec ce petit garçon qui est un maniaque du poulet frit Kentucky. Ils vont aller lui chercher un baril chez le colonel. Et il va se mettre à parler du colonel, puis tout ça, puis de tout ce qui arrive. Et c'est effectivement extraordinairement déprimant, mais c'est très révélateur de phénomène d'acculturation, puis du colonisé qui sommeille en chacun de nous. Donc, c'est ce qui intéresse Falardeau et Poulain dans la première partie de leur œuvre. Le Falardeau et le Poulain portraitiste. Voici qui nous sommes. Puis s'interroger, il ne faut pas oublier que Falardeau, à l'université, étudie en anthropologie. Hein. Donc, il y a une espèce de fascination pour qu'est-ce qu'on est collectivement. Ouais. Et ces films-là vont essayer de parler de ça, de le montrer. Oui. Arrivera, c'est assez... Il y a quelque chose de cynique là-dedans, parce qu'au fond, il fait des petits courts-métrages, puis ça décolle pas trop encore la carrière de cinéaste, et arrive Elvis Gratton, et c'est ça, au fond, alors qu'il est dans le cinéma engagé, dans des choses sérieuses, graves, et c'est Elvis Gratton, il y a un propos, mais on s'entend, c'est de la comédie, c'est Elvis Gratton qui va le faire connaître. On l'écoute en parler, Aminu Petrovski à l'émission Les Belles Heures en 1985, au moment justement où Falardeau décide de réunir ses trois premiers courts-métrages d'Elvis Gratton pour en faire un premier, son premier long-métrage. C'est fini, ça, les séparatistes. Va falloir les mettre au pas, eux autres puis leurs chums, les unions puis les professeurs qui endoctrinent les jeunes dans nos écoles. Mais pourquoi vous avez voulu donc le mettre ensemble? Parce que vous vouliez en faire un long métrage. Oui, c'est ça. C'est qu'en finissant le premier, nous autres, on voulait faire un long métrage, après sur autre chose. Puis les gens nous ont dit, bon, vous êtes encore jeunes, faites donc d'autres courts-métrages. On dit, parfait, on est jeunes, on a 40 ans. Un court-métrage, ça se distribue pas. Ça... Oui, c'est ça. Tandis que puis pour les critiques de cinéma, tant que t'as pas fait de long métrage, t'existais pas. En tout cas, à la fin, vous le tuez et il ressuscite. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une suite à Elvis Gratton? Je voudrais jamais bien ça vous faire le coup. Non, mais on le fait ressusciter parce que je m'aperçois que la bêtise, ça meurt jamais. De toute façon, même quand il meurt un idiot, il y en est 25 autres. Le ridicule. C'est un peu ce qu'on a voulu faire. Puis ce qu'il y a de comique avec Elvis Gratton, c'est que c'est un personnage que tu peux le charrier n'importe où, faire n'importe quoi. C'est entre les deux. C'est à la fois je le déteste, puis à la fois je l'aime. Falardeau, c'est vrai, Georges Privet, qu'il... Peut-être comme nous tous, au fond, mais qu'il l'aime et qu'il déteste, ah oui, Elvis Gratton. C'est quoi pour lui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que ça représente, Elvis Gratton, pour Falardeau? Ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que Elvis Gratton est né dans des suites du premier échec référendaire. Donc, l'idée, c'est de faire, comme il l'avait fait avec Pissou et les films de cette époque-là, un constat de ce qu'on est, d'où on en est. Et c'est l'époque où il y a des concours d'Elvis au Tannan. Même si Elvis Presley est mort depuis 4 ans, il est plus vivant que jamais. Et qu'est-ce qui représente mieux le colonisé, le type colonisé à l'os, pour reprendre l'expression de Falardeau, que Elvis Gratton? Ouais. Donc, il va avoir une relation très ambiguë, très ambivalente, parce que c'est vrai que c'est détestable, c'est méprisable, mais il est drôle. Puis c'est nous, quelque part, ouais. Il y a une partie de nous là-dedans. Et ce film-là, qui est d'abord un court-métrage, puis qui après ça va devenir un long, va devenir un objet de fascination pour les jeunes. C'est l'époque de la VHS. Les jeunes vont regarder ça dans leur sous-sol. Ils vont y reconnaître le mononcle, les parents, tout le monde autour d'eux. Et tout d'un coup, Falardeau va se retrouver avec un véritable succès populaire, un vrai phénomène de société qui va ironiquement lui permettre de faire les films plus sérieux qu'il a aussi envie de faire. Il reniera jamais les Grattons. Mais les Grattons, la promesse d'un Gratton à chaque fois lui permettra de faire un autre film dramatique. Ouais. Ils sont presque intercalés dans sa filmographie, les Gratton, entre un projet comme Le Party, ouais, ou Octobre, au 15 février 1839. Mais c'est une question de financement. Il sert de ce que rapporte un Gratton pour faire un film, entre guillemets, plus politique ou plus sérieux. Comment il se compare, ces deux grands volets de sa filmographie? Les Grattons, y a quand même une critique sociale là, ah, dans tout le à portrait. Fait. Elle est très forte. Comment ça se compare à sa trilogie du combat? Moi, je pense que les deux films se complètent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les films de la révolte. La révolte, elle est rare. Elle est spectaculaire. Mais elle reste rare. Donc, c'est la révolte dans une prison dans le Party. C'est octobre sur la crise d'octobre. C'est 15 février 1939. Puis il y a, entre les révoltes, les longues périodes d'asservissement. Et ça, c'est les gratons. Ouais. C'est les conséquences de l'absence de révolte. C'est ce qu'on est au quotidien. Donc, il y a les moments où le Québécois se ramasse et devient révolutionnaire, les moments d'exception. Puis il y a le reste du temps. C'est les trois gratons. Ouais. On l'écoute. Vous parlez de révolte. C'est au cœur de tout ce qu'il fera. Absolument. Ses films, Elvis Gratton ou les films plus sérieux, ses écrits, la révolte, elle est toujours là chez Falardeau. Il en parle au micro de Christiane Charette en 1993. Évidemment, révolte contre cette espèce d'asservissement économique, mais culturel aussi, des Québécois. Au début de l'extrait, il sera question du film Le Temps des bouffons. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur, avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants-gouverneurs des 10 provinces, des hommes d'affaires, des juges, des Indiens de centre d'achat, des rois nègres à peau blanche qui parlent bilingue. Est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire quand vous êtes allé là? Oui, exactement. Votre idée était déjà faite. Je n'aviez pas vu l'événement, mais vous saviez ce que vous alliez J'en en faire. J'en avais lu dans le journal. J'avais compris rapidement de quoi il s'agissait. Oui. Je faisais un film, puis je savais où je m'en allais. Vous les détestez, ces gens-là? Oui. Avec beaucoup de force, hein? Avec, Je comprends. C'est, tu sais, je sais pas... D'une autre façon, moi, c'est pas les personnes, c'est ces gens-là, ils me laissent assez indifférent. C'est tout le système dans lequel ils fonctionnent qui m'enrage. Eux autres, c'est des dommés. Ils en meurent, ils sont remplacés par 10 autres. Pas plus choquant que ça. La conquête, c'est une idée qui vous révolte encore. Parce que on va vous tourner en ce moment un film qui s'appelle Octobre, sur les événements d'octobre 70, et on a l'impression que votre âge est la même, à la même place que ce qu'il y avait dans l'air du temps à ce moment-là, et l'air du temps a changé. Bon, tu vois, ça, c'est le discours. Nathalie Petrovski, elle tient le même discours, comme quoi j'ai un discours dépassé, tu sais, comme quoi je suis accroché dans les années 70. Tu sais, si c'est pas dans l'air du temps, là aussi, il y a un problème, parce que ce que je raconte, c'est la même histoire qui se produit depuis toujours. Mm. J'essaie d'analyser la société comme moi je pense. Si ça fait pas l'affaire du monde, ils vont me le dire, ils vont me traiter de fou furieux, de malade mental, de dépassé. Mais j'aime ça. Sur cet échafaud, élevé par des mains anglaises, je meurs avec la conviction d'avoir rempli mon devoir. Cette condamnation est injuste. Puissent les coupables en porter la responsabilité. Adieu! Vive la liberté! Vive l'indépendance! L'extrait qu'on vient d'entendre se termine sur un extrait du film 15 février 1939. Il a été question de révolte beaucoup dans cet extrait, Georges Privet. Avec ce que lui posait comme question Christiane Charette, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il en pensait, lui, de l'air du temps, Falardeau. Comment il réagissait à ces gens qui disaient, en gros, ils ramachent, les mêmes vieilles affaires qui n'intéressent plus personne. Moi, je pense qu'ils s'en foutaient complètement. Ouais. Je pense que ce qui l'intéressait comme artiste, c'était de saisir des moments emblématiques, des moments, justement, où on voyait le système fonctionner. Le Beaver Club, c'est ça. Les premiers films, c'est ça. Même les gratons, c'est ça. Et ce qui l'intéressait, c'était les émotions intenses. On parlait souvent, on utilisait l'expression des films de sous-marins, c'est-à-dire des films où les gens sont enfermés dans un lieu clos et la tension monte. Généralement, une prison. À la fois parce que c'était économiquement plus facile à faire et aussi parce que ça incarnait quelque chose, la condition québécoise telle qu'il la voyait. Donc, il y a cette cohérence-là. Et ce qui l'intéressait, c'était les moments clés où les gens se révèlent, où le système se révèle, où les hommes se révèlent. Il n'y a rien qui détestait plus que le drame psychologique psychologique bourgeois justement dans l'air du temps. L'air du temps, il s'en foutait. Il essayait de viser ce qui ne changeait pas. Quand c'est le fait octobre, d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de reconstitution d'époque parce qu'il voulait dire, quelque part, les choses n'ont pas changé tant que ça. Vous établissez un lien entre le cinéma de Falardeau et le cinéma de Denis Arcand. Comment ça se compare, leur cinéma et leur démarche? Bien, j'ai toujours été fasciné parce que, bon, ils se connaissaient bien, ils s'aimaient bien. Ils ont tous les deux dit la même chose de manière un peu différente. Quand on parlait de censure, tous les deux ont dit « Les gens savent très bien ce dont il ne faut pas parler si on veut faire des films. » Et comme les gens préfèrent manger la plupart du temps, ils évitent de déposer des projets qui risquent de ne pas se faire. Tous les deux sont venus au cinéma d'autres champs. L'anthropologie dans le cas de Falardeau, l'histoire dans le cas de Denis Arcand. Tous les deux sont venus du documentaire avant d'aborder la fiction. Tous les deux ont eu des projets à différents moments sur la politique, le terrorisme. Ouais. Denis Arcand voulait faire à un moment donné un projet sur le terrorisme. À un moment où il avait dit en entrevue, moi, je suis en train de devenir fou. Il va se passer quelque chose. Et bref, c'est assez fascinant parce que, bon, les deux ont été des indépendantistes convaincus jusqu'à une certaine époque. Après le premier échec référendaire, Denis Arcand a décidé de dire, bon, quelque part, les gens ont décidé, moi, je vais passer à autre chose. Et il est devenu, quelque part, l'illustrateur de la déprime post-référendaire avec Le Déclin, qui est un film absolument essentiel et fondamental, jusqu'à l'âge des ténèbres, où il suit l'évolution, le déclin, dans tous les sens du mot, de certaines valeurs, alors que Falardeau, lui, est resté très militant par rapport à ça, mais en retournant souvent vers des événements comme octobre ou 15 février, qui se situait dans le passé. Ce sera plus difficile. Plus le temps passera, ce sera de plus en plus difficile pour Falardeau de tourner des films. Ça va devenir un peu l'homme des projets abandonnés. Qu'est-ce qu'on a perdu au change, Georges Privet? Puis comment il vivait ça, lui? Ah, bien, il le vivait très difficilement. Moi, je me souviens qu'il parlait fréquemment de l'époque où on le laisserait plus tourner. Puis je me disais, mon Dieu, Pierre, t'es peut-être un peu parano. Et dans les faits, non, il l'était pas. Il y a vraiment eu des moments où ses projets ne passaient plus. On a perdu. Ah oui, on a perdu beaucoup de choses. Heureusement, presque tous ces scénarios ont été édités. Donc, on peut lire, mais il y a eu Le Jardinier des Molson, il y a eu La Job, il y a eu plusieurs projets qu'il avait en chantier, qui auraient fait des films, je pense, assez extraordinaires, Le Jardinier des Molson en particulier. Mais quelque part, c'était devenu trop explosif. Et il y avait tellement de gens maintenant qui veulent faire du cinéma que c'est assez facile de tasser un projet pour toutes sortes de raisons, sans qu'on connaisse le fin mot de l'histoire. Donc, de plus en plus, il est devenu un polémiste qui écrivait. Il avait une chronique à l'hebdo ici. Il avait toujours ses livres, mais on a perdu, à mon avis, énormément parce que c'était quelqu'un dont les meilleures années créatives, je pense, étaient encore à venir. Georges Privet, c'était fascinant. Merci beaucoup. Plaisir. Georges Privet, chroniqueur cinéma à l'émission Médium Large, aussi à la revue L'Inconvénient et à Médiafilm. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.